Chapitre 6e, Premières étapes. Le 6 mai, dès l'aube, j'avais quitté l'hôtel Spencer, l'un des meilleurs de Calcutta, où je demeurais depuis mon arrivée dans la capitale de l'Inde. Cette grande cité n'avait plus maintenant de secret pour moi. Promenade du matin, pied pendant les premières heures du jour, promenade du soir, en voiture, dans le Strand, jusqu'à l'esplanade du Fort William, au milieu des splendides équipages des Européens qui croisent assez dédaigneusement les non moins splendides voitures des gros et gras babous indigènes, excursions à travers ces curieuses rues marchandes qui portent très justement le nom de bazar, visites aux champs d'incinération des morts sur les bords du Gange, au jardin botanique du naturaliste Hooker, à Madame Kali, l'horrible femme à quatre bras, cette farouche déesse de la mort, qui se cache dans un petit temple de l'un de ses faubourgs, dans lesquels se côtoient la civilisation moderne et la barbarie native, c'était fait. Contempler le palais du vice-roi, qui s'élève précisément en face de l'hôtel Spencer, admirer le curieux palais de Chowringhee Road et le Town Hall, consacré à la mémoire des grands hommes de notre époque, étudier en détail l'intéressante mosquée d'Ougli, courir le port, encombré des plus beaux bâtiments de commerce de la marine anglaise, dire enfin adieu aux argilas, adjudants aux philosophes, ces oiseaux ont tant de noms, qui sont chargés de nettoyer les rues et de tenir la ville dans un parfait état de salubrité, cela a été fait aussi, et je n'avais plus qu'à partir. Donc, ce matin-là, un palki gari, sorte de mauvaise voiture à deux chevaux et à quatre roues, indigne de figurer parmi les confortables produits de la carrosserie anglaise, vint me prendre sur la place du gouvernement et m'eut bientôt déposé à la porte du bungalow du colonel Munro. À 100 pas au dehors du faubourg, notre train nous attendait. Il n'y avait plus qu'à emménager, c'est le mot. Il va sans dire que nos bagages avaient été préalablement déposés dans leur compartiment spécial. Nous n'emportions d'ailleurs que le nécessaire. Seulement, en fait d'armes, le capitaine Hood n'avait pas pensé que l'indispensable pût comprendre moins de 4 carbines Enfield, à balles explosives, 4 fusils de chasse, 2 canardières, sans compter un certain nombre de fusils et de revolvers, de quoi armer tout notre monde. Cet attirail menaçait plus les fauves que le simple gibier comestible, mais on n'eût pas fait entendre raison à ce sujet au Nemrod de l'expédition. Il était enchanté d'ailleurs, le capitaine Hood. Le plaisir d'arracher son colonel à la solitude de sa retraite, la joie de partir pour les provinces septentrionales de l'Inde dans un équipage sans pareil, la perspective d'exercices ultra-cinégétiques et d'excursions dans les régions himalayennes, tout cela l'animait, le surexcitait, se manifestait par d'interminables interjections et des poignées de main à vous briser les os. L'heure du départ avait sonné. La chaudière était en pression, la machine prête à fonctionner. Le mécanicien se tenait à son poste, la main sur le régulateur. Le coup de sifflet réglementaire fut lancé. « En route !» s'écria le capitaine Hood en agitant son chapeau. « Géant d'acier, en route !» Le géant d'acier, ce nom que notre enthousiaste ami venait de donner au merveilleux moteur de notre train, il le méritait bien, et ce nom lui resta. Un mot sur le personnel de l'expédition qui occupait la seconde maison roulante. Le mécanicien Store, un Anglais, appartenait à la compagnie du Great Southern of India, qu'il avait quitté depuis quelques mois seulement. Banks, qui le connaissait et le savait fort capable, l'avait fait entrer au service du colonel Munro. C'était un homme de 40 ans, ouvrier habile, très entendu aux choses de son métier et qui devait nous rendre de grands services. Le chauffeur s'appelait Kalut. Il était de cette classe d'hindous, si recherchés par les compagnies de chemin de fer, qu'ils peuvent impunément supporter cette chaleur tropicale des Indes, doublée de la chaleur de leur chaudière. Il en est de même des Arabes auxquels les compagnies de transport maritime confient le secret des chaufferies pendant la traversée de la mer Rouge. Ces braves gens se contentent tout au plus de bouillir là où des Européens rôtiraient en quelques instants. Bon choix également. L'ordonnance du colonel Munro était un hindou âgé de 35 ans, Gourgak de race, nommé Goumi. Il appartenait à ce régiment qui, pour faire acte de bonne discipline, accepta l'usage des nouvelles munitions, dont l'emploi fut l'occasion première ou tout au moins le prétexte de la révolte des Sipaïs. Petit, leste, bien découplé, d'un dévouement à toute épreuve, il portait encore l'uniforme noir de la brigade des rifles auquel il tenait comme à sa propre peau. le sergent McNeil et Gumi étaient de corps et d'âme les deux fidèles du colonel Munro. Après s'être battu à ses côtés dans toutes les guerres de l'Inde, après l'avoir aidé dans ses infructueuses tentatives pour retrouver Nana Sahib, il l'avait suivi dans sa retraite et ne devait jamais le quitter. Si Gumi était l'ordonnance du colonel, Fox, un anglais pur sang, très gai, très communicatif, était le brosseur du capitaine Hodd, et non moins enragé chasseur que lui. Ce brave garçon n'eût pas changé cette situation sociale pour une autre, quelle qu'elle fût. Sa finesse le rendait digne du nom qu'il portait, Fox, renard. Mais un renard qui en était à son 37e tigre, 3 de moins que son capitaine. Il comptait bien d'ailleurs ne pas en rester là. Il faut citer encore, pour compléter le personnel de l'expédition, notre cuisinier nègre, qui régnait à la partie antérieure de la seconde maison entre les deux offices. Français d'origine, ayant déjà rôti et fricassé sous toutes les latitudes, M. Parazard, c'était son nom, s'imaginait remplir non un vulgaire métier, mais une fonction de haute importance. Il pontifiait véritablement lorsque sa main se promenait d'un fourneau à l'autre, distribuant, avec la précision d'un chimiste, le poivre, le sel et autres condiments qui relevaient ses préparations savantes. En somme, comme M. Parazard était habile et propre, on lui pardonnait volontiers cette vanité culinaire. Ainsi donc, Sir Edward Munro, Banks, le capitaine Hodd et moi, d'une part, McNeil, Storr, Calhoun, Gumi, Fox et M. Parazard de l'autre, en tout 10 personnes, telle était l'expédition qu'emportait vers le nord de la péninsule le géant d'acier avec son train de 2 maisons roulantes. N'oublions pas les 2 chiens Fan et Black, dont le capitaine n'en était plus apprécié les qualités dans ses chasses au gibier de poils et de plumes. Le Bengale est peut-être, sinon la plus curieuse, du moins la plus riche des présidences de l'Hindoustan. Ce n'est évidemment pas le pays proprement dit des Rajas, qui embrasse plus spécialement le centre de ce vaste royaume, mais cette province s'étend sur un territoire très peuplé, qui peut être considéré comme le vrai pays des Hindous. Il se développe au nord, jusqu'aux infranchissables frontières de l'Himalaya, et notre itinéraire allait nous permettre de la couper obliquement. Après discussion au sujet des premières étapes, nous nous étions tous ralliés à ce projet. Remonter pendant quelques lieues l'Ougli, celui des bras du Gange qui arrose Calcutta, laisser sur la droite la ville française de Chandernagore, de là, suivre la ligne du chemin de fer jusqu'à Burdwan, puis prendre le biais à travers le Béhar, de manière à retrouver le Gange à Bénarès. « Mes amis, avait dit le colonel Munro, je vous abandonne absolument la direction du voyage. Décidez sans moi. Tout ce que vous ferez sera bien fait. »« Mon cher Munro, répondit Banks, il convient cependant que tu donnes ton avis. »« Non, Banks, reprit le colonel, je t'appartiens, et n'ai vraiment pas de préférence à visiter une province plutôt qu'une autre. Une seule question, cependant. Lorsque vous aurez atteint Bénarès, quelle direction comptez-vous suivre ?»« La direction du nord. » s'écria impétueusement le capitaine Hodd, la route qui remonte directement jusqu'aux premières rampes de l'Himalaya à travers le royaume d'Oud. « Eh bien, mes amis, à ce moment, » répondit le colonel Munro, « peut-être vous demanderai-je, mais nous en parlerons lorsqu'il sera temps. Jusque-là, allez comme bon vous semble. » Cette réponse de Sir Edward Munro ne laissa pas de m'étonner quelque peu. Quelle était donc sa pensée? N'avait-il consenti à entreprendre ce voyage qu'avec l'idée que le hasard le servirait peut-être mieux que sa volonté n'avait pu le faire? Se disait-il que si Nana Sahib n'était pas mort, il parviendrait peut-être à le retrouver dans le nord de l'Inde? Avait-il enfin conservé quelque espérance de pouvoir se venger encore? Pour moi, j'avais comme un pressentiment que quelque arrière-pensée guidait le colonel Munro. Il me sembla que le sergent McNeil devait être dans le secret de son maître. Pendant les premières heures de cette matinée, nous avions pris place dans le salon de Steamhouse. La porte et les 2 fenêtres de la véranda étaient ouvertes, et la punka, en agitant l'air, rendait la température plus supportable. Le géant d'acier était maintenu au pas par le régulateur de Storr. Une petite lueur à l'heure, c'était tout ce que lui demandaient pour le moment des voyageurs soucieux de voir le pays qu'ils traversaient. Au sortir des faubourgs de Calcutta, nous avions été suivis par un certain nombre d'Européens qu'émerveillait notre équipage, et par une foule d'Hindous qui le considéraient avec une sorte d'admiration mêlée de crainte. Cette foule s'était peu à peu éclaircie, mais nous n'échappions pas à l'ébahissement des passants qui prodiguaient leur « wah, wah » admiratif. Il va sans dire que toutes ces interjections étaient moins pour les deux superbes chars que pour le gigantesque éléphant qui les traînait en vomissant des tourbillons de vapeur. À 10 heures, la table fut dressée dans la salle à manger et moins secouée certainement que nous l'eussions été dans le compartiment d'un wagon-salon de première classe, nous fîmes honneur au déjeuner de M. Parazard. La route que suivait notre train côtoyait alors la rive gauche de l'Ougli, le plus occidental de ces nombreux bras du Gange, dont l'ensemble comprend l'inextricable réseau du delta des Thunderbunds. Toute cette partie du territoire est de formation alluvionnaire. « Ce que vous voyez là, mon cher Mauclerc, me dit Banks, c'est une conquête du fleuve sacré sur le golfe non moins sacré du Bengale. Affaire de temps. Il n'y a peut-être pas une parcelle de cette terre qui ne soit venue des frontières de l'Himalaya transportée par le courant du Gange. Le fleuve a peu à peu égrené la montagne pour en composer le sol de cette province où il s'est ménagé un lit qu'il abandonne souvent pour un autre, ajouta le capitaine Hood. Ah, c'est un capricieux, un fantasque, un lunatique que ce Gange. On bâtit une ville sur ses bords, et quelques siècles plus tard, la ville est au milieu d'une plaine, ses quais sont à sec, le fleuve a changé sa direction et son embouchure. Ainsi Rajmahal, ainsi Gore, tous les deux, autrefois baignés par l'infidèle cours d'eau, et qui maintenant meurent de soif au milieu des rizières desséchées de la plaine. Eh, répondis-je, ne peut-on craindre que pareil sort ne soit réservé à Calcutta? Qui sait? Bon, nous ne sommes pas là, répliqua Banks. Ce n'est qu'une question de digue. Si cela est nécessaire, les ingénieurs sauront bien les contenir, les débordements de ce Gange. On lui mettra la camisole de force. Heureusement pour vous, mon cher Banks, répondis-je. Les hindous ne vous entendent pas parler ainsi de leur fleuve sacré. Ils ne vous le pardonneraient pas. En effet, répondit Banks, le Gange, c'est un fils de Dieu. S'il n'est Dieu lui-même, rien de ce qu'il fait n'est mal à leurs yeux. Pas même les fièvres, le choléra, la peste qu'il entretient à l'état endémique, s'écria le capitaine Hood. Il est vrai que les tigres et les crocodiles qui fourmillent dans les Thunderbunds ne s'en portent pas plus mal. Au contraire, on dirait vraiment que l'air empesté convient à ces animaux-là, comme l'air pur d'un sanitarium aux Anglo-Indiens pendant la saison chaude. Ah, ces carnassiers! Fox, dit Hood en se retournant vers son brosseur qui desservait la table. Mon capitaine, répondit Fox, n'est-ce pas là que tu as tué ton 37e? Oui, mon capitaine, à 2 milles de Port Canning, répondit Fox. C'était un soir. Il suffit, Fox, reprit le capitaine en achevant un grand verre de grog. Je connais l'histoire du 37e. Celle du 38e m'intéresserait davantage. Le 38e n'est pas encore tué, mon capitaine. Tu le tueras, Fox, comme je tuerai moi mon 41e. Dans les conversations du capitaine Hood et de son brosseur, le mot tigre, on le voit, n'était jamais prononcé. C'était inutile. Les deux chasseurs se comprenaient. Cependant, à mesure que nous avancions, l'Ougli, qui est large de près d'un kilomètre devant Calcutta, resserrait peu à peu son lit. En amont de la ville, ce sont d'assez basses rives que celles qui contiennent son cours. Là, trop souvent, s'engouffrent de formidables cyclones qui étendent leurs désastres sur toute la province. Quartiers entièrement détruits, centaines de maisons écrasées les unes contre les autres, immenses plantations dévastées, milliers de cadavres jonchant la cité et la campagne, telles sont les ruines que ces irrésistibles météores laissent après eux et dont le cyclone de 1864 a été l'un des plus terribles exemples. On sait que le climat de l'Inde comprend 3 saisons, la saison pluvieuse, la saison froide, la saison chaude. Cette dernière est la plus courte, mais c'est aussi la plus pénible à passer. Mars, avril et mai sont 3 mois particulièrement redoutables. Entre tous, mai est le plus chaud. À cette époque, affronter le soleil pendant certaines heures de la journée, c'est risquer sa vie, du moins pour les Européens. Il n'est pas rare, en effet, que même à l'ombre, la colonne thermométrique s'élève à 106 degrés Fahrenheit, environ 41 degrés centigrades. Les hommes, dit M. de Valbezen, soufflent alors comme des chevaux cornards, et pendant la guerre de répression, officiers et soldats étaient obligés de recourir aux douches sur la tête afin de prévenir les congestions. Toutefois, grâce à la marche de Steamhouse, à l'agitation de la couche d'air provoquée par les battements de la punka, à l'atmosphère humide qui circulait à travers les écrans de vétiver fréquemment arrosés, nous ne souffrions pas trop de la chaleur. D'ailleurs, la saison des pluies, qui dure depuis le mois de juin jusqu'au mois d'octobre, n'était pas éloignée, et il était à craindre qu'elle fût plus désagréable que la saison chaude. Après tout, dans les conditions où s'opérait notre voyage, Nous n'avions rien de grave à redouter. Vers 1 heure de l'après-midi, après une délicieuse promenade aux petits pas, qui s'était faite sans sortir de notre maison, nous sommes arrivés à Chandernagor. J'avais déjà visité ce coin de territoire. Le seul qui reste à la France dans toute la présidence du Bengale, cette ville, abritée par le drapeau tricolore et qui n'a pas le droit d'entretenir plus de 15 soldats pour sa garde personnelle, cette ancienne rivale de Calcutta pendant les luttes du XVIIIe siècle, est aujourd'hui bien déchue, sans industrie, sans commerce. Ses bazars abandonnés sont fort vides. Peut-être Chandernagor aurait-elle repris quelque vitalité si le railway d'Allahabad eût traversé ou tout au moins longé ses murs. Mais devant les exigences du gouvernement français, la compagnie anglaise a dû faire obliquer sa voie de manière à contourner notre territoire et Chandernagor a perdu là l'unique occasion de retrouver quelque importance commerciale. Notre train n'entra donc pas dans la ville. Il s'arrêta 3 miles sur la route à l'entrée d'un bois de lataniers. Lorsque le campement eut été organisé, on aurait dit un commencement de village qui venait se fonder en cet endroit. Mais le village était mobile, et dès le lendemain, le 7 mai, il reprenait sa marche interrompue après une nuit calme passée dans nos confortables cabines. Pendant cette halte, Banks avait fait renouveler le combustible. Bien que la machine eût pu consommer, il tenait à ce que le tender portât toujours sa pleine charge, c'est-à-dire en eau, en bois ou en charbon, de quoi marcher pendant 60 heures. Cette règle, le capitaine Hodd et son fidèle Fox ne manquaient pas de l'appliquer à eux-mêmes, et leur foyer intérieur, je veux dire leur estomac, qui offrait une grande surface de chauffe, était toujours muni de ce combustible azoté indispensable pour faire marcher bien et longtemps la machine humaine. Cette fois, l'étape devait être plus longue. Nous allions voyager 2 jours, nous reposer 2 nuits, de manière à atteindre Burdwan et à visiter cette ville pendant la journée du 9. À 6 heures du matin, Storr donnait un coup de sifflet aigu, purgeait ses cylindres et le géant de l'acier prenait une allure un peu plus rapide que la veille. Pendant quelques heures, nous avions côtoyé la voie ferrée, qui par Burdwan va rejoindre à Rajmahal la vallée du Gange, qu'il suit alors jusqu'au-delà de Bénarès. Le train de Calcutta vint à passer à grande vitesse. Il semblait nous défier par les exclamations admiratives des voyageurs. Nous ne répondîmes pas à leurs défis. Ils pouvaient aller plus rapidement que nous, mais plus confortablement, non. Le pays qui fut traversé pendant ces 2 jours était invariablement plat et par cela même assez monotone. Çà et là se balançaient quelques flexibles cocotiers dont les derniers échantillons allaient rester en arrière au-delà de Burdwan. Ces arbres, qui appartiennent à la grande famille des palmiers, sont amis des côtes et aiment à retrouver quelques molécules d'air marin dans l'atmosphère qu'ils respirent. Aussi, en dehors d'une zone assez étroite qui confine au littoral, ne les rencontre-t-on plus, et il est inutile de les chercher dans l'Inde centrale, mais la flore de l'intérieur n'en est pas moins intéressante et variée. De chaque côté de la route, ce n'était, à proprement parler, qu'un immense échiquier de rizières qui se dessinait à perte de vue. Le sol était divisé en quadrilatères, endigués comme les marais salants ou les parcs aux huîtres d'un littoral, mais la couleur verte dominait, et la récolte promettait d'être belle sur cet humide et chaud territoire dont les buées indiquaient la prodigieuse fertilité. Le lendemain soir, à l'heure dite, avec une exactitude qu'un express eût enviée, la machine donnait son dernier coup de vapeur et s'arrêtait aux portes de Burdwan. Administrativement, cette cité est le chef-lieu d'un district anglais, mais le district appartient en propre à un maharaja qui ne paye pas moins de 10 millions d'impôts au gouvernement. La ville est en grande partie composée de maisons basses que séparent de belles allées d'arbres, cocotiers et arrêts-quipiers. Ces allées étaient assez larges pour livrer passage à notre train. Nous allâmes donc camper en un endroit charmant, plein d'ombre et de fraîcheur. Ce soir-là, la capitale du Maharaja comptait un petit quartier de plus. C'était notre hameau portatif, notre village de 2 maisons, et nous ne l'aurions pas changé pour tout le quartier où s'élève le splendide palais d'architecture anglo-indienne du souverain de Burdwan. Notre éléphant, on le pense, produisit là son effet accoutumé, c'est-à-dire une sorte de terreur admirative chez tous ces Bengalis qui accouraient de toutes parts, tête nue, les cheveux coupés à la titus, et ayant pour unique vêtement les hommes un pagne autour des reins, les femmes un sari blanc qui les enveloppait de la tête aux pieds. « Je n'ai qu'une crainte, dit le capitaine Hodd, c'est que le Maharaja ne veuille acheter notre géant d'acier, et qu'il en offre une telle somme que nous soyons obligés de le vendre à sa hautesse. « Jamais, s'écria Banks, je lui fabriquerai un autre éléphant, quand il le voudra, et si puissant qu'il pourra traîner sa capitale tout entière d'un bout de ses états à l'autre. Mais le nôtre, nous ne le vendrons à aucun prix, n'est-ce pas, Munro ? À aucun prix, répondit le colonel du ton d'un homme que l'offre d'un million n'aurait pu séduire. D'ailleurs, l'achat de notre colosse n'eut pas lieu d'être discuté. Le Maharaja n'était point à Burdwan. La seule visite que nous reçûmes fut celle de son kamdar, sorte de secrétaire intime, qui vint examiner notre équipage. Cela fait, ce personnage nous offrit, ce qui fut accepté volontiers, d'explorer les jardins du palais, planter des plus beaux échantillons de la végétation tropicale, arrosés d'eau vive qui se distribue en étangs ou courants ruisseaux, de visiter le parc, orné de kiosques fantaisistes du plus charmant effet, tapissé de pelouses verdoyantes, peuplé de chevreuils, de cerfs, de daims, d'éléphants, représentants de la faune domestique, et de tigres, de lions, de panthères, d'ours, représentants de la faune sauvage, logés dans des ménageries superbes. « Des tigres en cage comme des oiseaux, mon capitaine, » s'écria Fox, « si cela ne fait pas pitié. »« Oui, Fox, » répondit le capitaine, « si on les consultait, ces honnêtes fauves, ils aimeraient mieux rôder librement dans les jungles, même à portée d'une carabine à balles explosives. »« Ah, comme je comprends cela, mon capitaine, » répondit le brosseur en laissant échapper un soupir. Le lendemain, 10 mai, nous quittions Burdwan. Steamhouse, bien approvisionné, franchissait la voie ferrée sur un passage à niveau et se dirigeait directement vers Amgur, ville située à 75 lieues environ de Calcutta. Cet itinéraire, il est vrai, laissait sur notre droite l'importante ville de Murshidabad, qui n'est curieuse ni dans sa partie indienne ni dans sa partie anglaise. Mongir, une sorte de Birmingham de l'Hindoustan, perché sur un promontoire qui domine le cours du fleuve sacré, Patna, la capitale de ce royaume du Béar que nous allions traverser obliquement, riche centre de commerce pour l'opium et qui tend à disparaître sous l'envahissement des plantes grimpantes dont sa flore foisonne. Mais nous avions mieux à faire, c'était de suivre une direction plus méridionale, à 2 degrés au-dessous de la vallée du Gange. Pendant cette partie du voyage, le géant d'acier fut un peu plus poussé et soutint un léger trot qui nous permit d'apprécier l'excellente installation de nos maisons suspendues. La route était belle d'ailleurs et se prêtait à l'épreuve. Les carnassiers s'effrayaient-ils au passage du gigantesque éléphant, vomissant fumée et vapeur? Cela est possible. En tout cas, au grand étonnement du capitaine Hod, nous n'en voyions aucun au milieu des jungles de ce territoire. Au surplus, c'était à travers les régions septentrionales de l'Inde, non dans les provinces du Bengale, qu'il comptait satisfaire ses instincts de chasseur, et il ne songeait pas encore à se plaindre. Le 15 mai, nous étions près de Rangoor, à 50 lieues environ de Burdwan. La moyenne de la vitesse avait été d'une 15 lieues par 12 heures, pas davantage. 3 jours après, le 18, le train s'arrêtait, 100 kilomètres plus loin, près de la petite ville de Chitra. Aucun incident n'avait marqué cette première période du voyage. Les journées étaient chaudes, mais combien la sieste était facile à l'abri des vérandas. Nous y passions les heures les plus ardentes dans un farniente et délicieux. Le soir venu, Storr et Kalout, sous les yeux de Banks, s'occupaient de nettoyer la chaudière et de visiter la machine. Pendant ce temps, le capitaine Hod et moi, accompagnés de Fox, de Gumi et des 2 chiens d'arrêt, nous allions chasser aux environs du campement. Ce n'était encore que le petit gibier de poils et de plumes. Mais si le capitaine en faisait fi comme chasseur, il n'en faisait pas fi comme gourmet. Et le lendemain, à son extrême contentement comme à la grande satisfaction de M. Parazar, le menu du repas comptait quelques pièces savoureuses qui économisaient nos conserves. Quelquefois, Gumi et Fox restaient pour faire l'office de bûcheron et de porteur d'eau. Ne fallait-il pas réapprovisionner le temps d'air pour la journée du lendemain? Aussi, autant que possible, Banks choisissait-il les lieux de halte sur les bords d'un ruisseau à proximité de quelques bois. Tout ce ravitaillement indispensable s'opérait sous la direction de l'ingénieur qui ne négligeait aucun détail. Puis, lorsque tout était terminé, nous allumions nos cigares, d'excellents cheroots, de manille, et nous fumions en causant de ce pays que Hod et Banks connaissaient à fond. Quant au capitaine, dédaignant le vulgaire cigare, il aspirait de ses vigoureux poumons à travers un tuyau long de 20 pieds la fumée aromatisée d'un hookah soigneusement bourré par la main de son brosseur. Notre plus grand désir eût été que le colonel Munro nous suivit pendant ses rapides excursions aux abords du campement. Invariablement, nous le lui proposions au moment de partir, mais invariablement aussi, il déclinait notre offre et restait avec le sergent McNeil. Tous deux alors se promenaient sur la route, allant et venant pendant une centaine de pas. Ils parlaient peu, mais ils semblaient s'entendre à merveille. Ils n'avaient plus besoin d'échanger des paroles pour échanger des pensées. Ils étaient l'un et l'autre entièrement absorbés dans ces funestes souvenirs que rien ne pouvait effacer. Qui sait même si ces souvenirs ne se ravivaient pas, à mesure que Sir Edward Munro et le sergent se rapprochaient du théâtre de la sanglante insurrection. Évidemment, quelque idée fixe, que nous ne connaîtrons que plus tard, et non le simple désir de ne pas se séparer de nous, avait engagé le colonel Munro à se joindre à cette expédition dans le nord de l'Inde. Je dois dire que Banks et le capitaine Hodd partageaient ma manière de voir à cet égard. Aussi, tous trois, non sans une certaine inquiétude pour l'avenir, nous nous demandions si cet éléphant d'acier, en courant à travers les plaines de la péninsule, n'entraînait pas tout un drame avec lui.